ben, ils vont être tentés d'aller faire un petit tour de temps en temps, ou ben, le jeune va dire, hey, grand-père, papy, viens avec moi, on va aller, j'aimerais ça jouer au golf avec toi, je veux te montrer comment je joue, etc. Je pense que ça, c'est la clé du futur, c'est la clé du futur succès du golf, puis aussi de sa pérennité. Oui, effectivement. Puis le jeune, c'est un travail colossal que les clubs font, parce que les jeunes ont tellement d'offres aujourd'hui. Le deck, tu sais, auparavant, tu avais quelques sports, mais là, maintenant, tu en as plusieurs. Le deck hockey au travers de ça, et ainsi de suite. Donc, c'était tout un défi que les clubs de golf font, là, de courtiser la même les jeunes. Ils sont tous dans la même tarte avec les autres sports, là. Non, effectivement. Il n'y a pas de multiplication de jeunes. Il y a le même nombre de jeunes pour à peu près, effectivement, une dizaine d'offres différentes. On parle de soccer, on parle de hockey d'été, on parle de baseball, on parle de... Ben, le golf en fait partie aussi. Mais tu sais, il y a une multitude de sports puis d'intérêts pour les jeunes qui font en sorte que il y a de la compétition, veut pas, à travers chacun de ces sports-là. Mais sais-tu quoi? Puis on en parlait, j'en parlais hier avec un responsable des sports-études à la commission scolaire de la Jonquière, Stéphane Riverain, puis on pense un peu de la même façon. C'est qu'on prône, oui, le golf, c'est correct de jouer au golf, mais pourquoi pas faire plusieurs sports? Les jeunes aujourd'hui, justement, c'est important qu'ils touchent à différentes choses. Sans être exclusifs à un sport, ils peuvent, tu sais, ils ont la chance aujourd'hui, justement, de toucher à différents sports, puis regarde, à un moment donné, ils vont décider lequel ils préfèrent. Puis je pense que ça, c'est sain et bon pour tout le type de sport confondu et le golf, bien sûr. OK. Phil Desgagnés fait un article, c'est mon collaborateur, j'ai hâte qu'il recommence avec moi. Phil, il joue tous les jours au club de golf de Chicoutimi, puis il disait que c'était pas facile. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il y a un terrain trop Saguenay? Ben écoute, est-ce qu'il y a un terrain trop? Moi, je pense qu'il y a des efforts à mettre en termes de différents conseils ou administrateurs des clubs. Il y a un très gros travail à faire pour justement démocratiser le golf, inspirer les gens à venir évoluer sur leurs artères, sur leurs allées, c'est-à-dire, et développer évidemment toute la jeunesse future ou les clients, les futurs clients des différents terrains qui vont qui sont là. Tu sais, il n'y a pas 10 000 solutions, là. Il y en a quelques-unes, mais il faut mettre l'effort pour. Tu sais, c'est pas vrai que demain matin, on s'installe, puis on ouvre les portes, puis le monde va s'en venir. Ouais. Il faut les attirer, il faut faire des promotions, il faut faire différentes activités. Regarde, il y a eu le Weekend Golf à Saint-Prime. C'était ma prochaine question. Ben, c'est fantastique ce qui se passe à Saint-Prime, là. Oui, non, à ce niveau-là, c'est effectivement fantastique. C'est quelque chose d'unique. En tout cas, moi, surtout de la façon dont ils le font, là, il y a d'autres clubs qui prétendent faire des fins de semaine de golf, mais c'est plus dans un cadre classique, là, que dans un cadre éclaté comme ça se fait au club de golf Saint-Prime, là, avec des spectacles, des games de poker le soir, puis un game de golf le jour, puis des concours de ci, concours de ci. C'est super le fun. Ce qui fait que ça fait une belle ouverture justement au golf. Puis monsieur, madame, tout le monde va se reconnaître dans ce type d'activité-là, puis il va prendre plaisir à y participer. Puis peut-être que ça va permettre justement de récolter des nouveaux golfeurs dans un avenir plus rapproché qu'on pense. Ah oui, effectivement. Dites-moi, est-ce que l'avenir du golf passe pas par... C'est sûr que c'est facile à dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais tu sais, on voit beaucoup les clubs qui n'ont pas vraiment de solution, qui essaient de trouver des solutions pour assurer la pérennité du club, mais est-ce que ça serait vraiment... une des solutions serait peut-être de pousser un jeune vers la PGA le plus possible. Tu sais, lorsque Eugénie Bouchard est arrivé, ben, au tennis, il y a eu plusieurs jeunes qui se sont mis à pratiquer le tennis. Lorsqu'Éric Lucas a commencé à boxer puis a gagné le championnat du monde, t'as vu plusieurs jeunes s'en aller d'un club de boxe. Est-ce que ça, c'est une possibilité également que dans vos réunions avec les autres associations provinciales que vous parlez? Absolument. C'est sûr que d'avoir un ou des noms québécois, parce que je te dirais très franchement, là, en ce moment, en 2019, là, on est justement à l'orée de voir pas juste un, mais quelques joueurs québécois être sur le circuit des professionnels américains, la PGA qu'on appelle. Ouais. On a déjà des Québécoises qui sont là, je pense à Maud-Aimé Leblanc, je pense à Anne-Catherine Tanguy. Ils sont pas nécessairement d'un top, mais tu sais, t'as Brooke Anderson, qui est une Canadienne, mais qui a fait son golf beaucoup, mais tu sais, elle est plus reconnue comme étant une Canadienne qu'une Québécoise, même si elle a fait tout son parcours junior, elle l'a fait au sein de Golf Québec. Oui, effectivement, si, un peu à la Mike Weir, un peu à la Tiger Woods, évidemment, là, disons, c'est l'exemple ultime, mais un Québécois ou des Québécois qui réussiraient à bien figurer sur les terrains de la PGA dans les différents tournois de compétition, c'est sûr que ça ferait pas de tort. Ça, c'est clair. T'sais, il y a eu un événement la semaine passée, c'est-à-dire l'an passé à Chicoutimi, c'était championnat provincial junior, puis t'as vu, tu sais, il y avait des jeunes du club ou de certains clubs qui sont venus voir la compétition, puis tu vois que l'intérêt qu'ils ont, puis tu sais, suite après, tu voyais les jeunes plus fréquemment sur le terrain à pratiquer, puis à voir c'est quoi l'éthique pour devenir, pour se rendre à jouer juste le championnat provincial, là, qui a lieu d'ailleurs en ce moment à Rockland, près d'Ottawa, le championnat junior québécois. Il y a 7 jeunes de la région qui y participent. Tu sais, c'est un privilège pour ces jeunes-là d'être là, mais c'est peut-être parce que justement l'an passé, le championnat provincial a eu lieu dans la région. Puis ça a réveillé une couple de personnes ou de jeunes qui ont dit, ben là, gars, moi, je vais mettre les efforts. Je vais être là l'an prochain. Ça a l'air vraiment le fun. Oui, effectivement. Sur quoi Golf Québec et votre association ont travaillé actuellement pour les prochains mois, les prochaines semaines et les prochaines années? Ben, Golf Québec a un mandat qui est bien clair. Là, il y a 4 sphères bien définies qui sont, la première sphère, c'est l'initiation. La deuxième, c'est l'accompagnement ou le développement du jeune. Après ça, tu as l'aspect compétitif et tu as l'aspect après élite, là, où est-ce que là on veut pouvoir justement avoir des jeunes du programme Golf Québec qui sont sur le circuit de la PGA ou sur des circuits majeurs de golf qui va leur permettre qui va permettre à Golf Québec de dire, regarde, c'est notre programme qui a permis de faire ça, là. C'est nous autres, avec le temps, avec tout le support qu'on a donné aux jeunes, qui disent, ben regarde, on en a un qui est sur la PGA, puis waouh, fantastique. Ah, ce serait vraiment extraordinaire là, que pas mal les dimanches qu'on le suit, au moins qu'il soit dans les 20 premiers, ça pourrait être quelque chose de très, très potable, un Québécois. Oui, effectivement. Louis Aubin, un gros merci, au plaisir de se reparler. Ça me fait plaisir, au revoir. Louis Aubin, qui est le président de l'Association régionale de golf.